Cinquième partie. Les années Clinton et Bush depuis 1992. Chapitre 18. Quand la CIA faisait des frasques à Paris. Lorsque la très élégante Pamela Harriman franchit les grilles du ministère de l'Intérieur le 26 janvier 1995, elle ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Cette grande dame du tout Washington est née 74 ans plus tôt, citoyenne britannique. Fille de Lord, veuve du fils unique de Winston Churchill, puis du milliardaire démocrate Averell Harriman, elle est devenue une grande contributrice de la campagne présidentielle de Bill Clinton. En récompense de ses bienfaits, elle a été nommée dès 1993 au poste prestigieux d'ambassadeur des États-Unis à Paris. Rousse, flamboyante, femme d'influence et femme fatale, cette grande dame occupe ses fonctions avec panache, tenant salon parmi les dorures du 41 rue du Faubourg Saint-Honoré. En peu de temps, elle a su se faire apprécier du tout Paris mondain et politique, époux Chirac compris. On ne connaît pas les détails de son entrevue ce jour-là avec le ministre de l'Intérieur Charles Pasqua, qui n'offrit à son invité ni scones ni muffins, mais on sait qu'elle fut tendue. L'homme lui révéla que les services français avaient acquis la preuve que l'équipe de la CIA, en poste dans l'ambassade de Pamela Harriman, se livrait depuis des années sur le sol français à des actes graves d'espionnage, notamment par l'intermédiaire d'un haut fonctionnaire de l'État. Madame l'ambassadrice n'ignorait pas, comme tous ses collègues, qu'une antenne de la CIA opérait sous couvert diplomatique depuis ses locaux. Elle avait des relations cordiales avec le chef de poste de l'agence à Paris, un vétéran dans sa dernière année de service du nom de Dick Holm. Selon sa légende, Dick était un authentique héros de l'agence, un ancien du Laos qui avait survécu miraculeusement à un crash d'avion au Congo 30 ans auparavant. Elle le recevait régulièrement pour un briefing insipide et expéditif sur les activités du poste parisien. Comme tous les ambassadeurs américains forcés d'héberger des agents de la CIA sous couverture diplomatique, Madame Harriman se doutait bien qu'on lui cachait certaines choses au sein même de son ambassade, mais elle affectait d'être satisfaite par ce qu'on voulait bien lui dire et ne posait pas trop de questions. Mais cette fois, l'affaire paraissait sérieuse. Madame l'ambassadrice, qui avait vécu au 10 Downing Street pendant le Blitz de Londres, ne se démonta pas pour autant et réclama des précisions. Le visage toujours fermé, Charles Pasqua lui présenta un volumineux dossier rassemblé par la DST. On y trouvait entre autres documents des photographies prises au zoom d'entrevues dans divers hôtels de la région parisienne. Sur plusieurs photos, Madame l'ambassadrice reconnut les visages de Dick, de son adjointe et d'un autre membre de l'équipe, mais non pas celui d'une femme que le rapport présentait comme un agent agissant en dehors de l'ambassade, sous couvert d'activités commerciales. Selon l'enquête de la Direction de la surveillance du territoire, résumée dans une note de synthèse, la recherche clandestine détectée se concentrait essentiellement sur la politique intérieure française, ainsi que sur les grandes orientations économiques et commerciales, en particulier dans le domaine de l'audiovisuel et des télécommunications. La note ajoutait « Les méthodes employées vont de l'influence ouverte au traitement clandestin d'agents. Les administrations, l'entourage des hommes politiques et les cabinets ministériels sont tout particulièrement visés. » Le dossier semblait particulièrement nourri. À chaque contact, à chaque rencontre clandestine, correspondait une liasse de photos, mais aussi des photocopies de registres d'hôtels, de talons de paiement par carte de crédit, de fausses cartes d'identité des agents, et même une liste des numéros de billets remis comme pot de vin aux fonctionnaires indélicats, avec copie de leur compte-rendu manuscrit. C'était accablant. Pamela Harriman continua à feuilleter le dossier pour se donner le temps de la réflexion. Elle n'ignorait rien du contexte français, l'approche de l'élection présidentielle et la rivalité latente entre le maire de Paris Jacques Chirac, président du RPR, et le premier ministre Édouard Balladur, que Charles Pasqua s'apprêtait à soutenir. Elle n'ignorait pas non plus qu'une telle scène de remontrance envers un ambassadeur étranger, a fortiori d'une grande puissance, ne pouvait avoir été décidée qu'au plus haut niveau, avec l'accord du président Mitterrand, malgré la maladie de ce dernier qui restreignait ses activités. Elle n'était ni vraiment surprise ni choquée par ce qu'avait entrepris l'équipe de la CIA, mais plutôt furieuse de leur balourdise. Non seulement ils avaient opéré dans son dos, et en plus, ils s'étaient fait piéger comme des enfants de cœur. Bien sûr que depuis la guerre froide, les enjeux avaient radicalement changé. Elle était bien placée pour savoir que Bill Clinton, élu avec son aide sur un programme strictement domestique, ne connaissait pas grand-chose aux affaires internationales et n'avait qu'un mot d'ordre à la bouche, le commerce et sa libéralisation. Il ne fallait pas être bien maligne pour comprendre qu'à Washington, on avait demandé à l'agence de se renseigner sur les positions françaises à l'approche des prochaines négociations du GATT. Et que, au lieu d'y aller en douceur, les lourdeaux de service avaient carrément abordé les membres de cabinet ministériel comme si c'était des hôtesses de bar à Pigalle. Il ne restait plus qu'à serrer les dents et à conclure l'entretien. Madame l'ambassadrice releva la tête avec toute la dignité possible. Le ministre l'observait, le visage agité par un tic fameux qui lui faisait pincer régulièrement des lèvres. Ce jour-là, il n'eut pas à forcer sa nature. Face à cette affaire qu'il jugeait d'une extrême gravité, il conclut l'entretien en exigeant que les agents quittent le territoire français sur le champ. Madame l'ambassadrice abandonna la place Beauvau, un peu secouée par le sermon du ministre Pasqua, elle qui était habituée à plus de rondeur dans les échanges diplomatiques. De retour à l'ambassade, elle demanda à voir Dick pour plus d'explications. La vérité était que la CIA, habituée à piéger les fonctionnaires étrangers et les dirigeants de grandes entreprises par le charme d'escort girl, s'était fait pour une fois piéger à son propre jeu. Lorsque Marie, une agente de son équipe, était venue lui avouer qu'elle était amoureuse de sa cible, un haut fonctionnaire bien placé dans les négociations du GATT, Dick avait contacté son chef pour l'Europe, Joseph Detrani. Dans un cas semblable, le règlement était clair: faire cesser la relation et muter l'agent à un nouveau poste. Ému par la conviction de Marie, Dick avait insisté auprès de Joseph. En poursuivant la relation, Marie continuait à obtenir de précieuses informations et à les rapporter loyalement à sa hiérarchie. Et puis, on était à Paris, ne pouvait-on pas, pour une fois, laisser l'amour prévaloir? Detrani avait fini par accepter. Il avait eu tort. Le Roméo de Marie, lui, n'était pas amoureux. Il agissait sur ordre de la DST et délivrait de fausses informations sur l'oreiller. On ne sait pas si ce haut fonctionnaire, dont l'identité reste secrète, a été promu pour son dévouement. Faut-il s'étonner que la CIA espionne les gouvernements des grands pays industrialisés? Évidemment pas. C'est la réalité quotidienne de la guerre économique. En général, ces affaires d'espionnage entre amis se règlent dans la discrétion. Cette fois, l'affront fut public et le ministère transmit le dossier à Edoui Plenel, du Monde, qui sortit ce scoop le 23 février. L'affaire fit grand bruit aux États-Unis. Un rapport interne de la CIA crucifia Dick Holm, qui fut prié de partir en retraite anticipée. Quant à Marie, la suite de sa carrière fut sérieusement compromise. Le gouvernement français avait ses raisons de rendre publique cette affaire. Depuis quelques années, les Français étaient accusés par la presse américaine d'espionnage économique. En avril 1993, la CIA s'était procuré un mémo gouvernemental qui dressait une liste de 49 entreprises américaines du secteur de la défense et de l'aéronautique dont les technologies pourraient être utiles à l'industrie française. L'agence s'était fait un plaisir de faire fuiter le document dans la presse, puis, interrogée sur une possible menace, avait conseillé aux firmes américaines la plus grande prudence dans les déplacements en France de leurs représentants. Quelques élus républicains avaient même réclamé le boycott du salon aéronautique du Bourget, prévu pour le mois de juin suivant. Depuis cette affaire, la CIA a appris à se montrer plus discrète, au besoin en sous-traitant ce genre de travail. Certains grands cabinets d'intelligence économique américains comme Abraxas, Booz Allen Hamilton, Lockheed Martin ou Raytheon sont toujours ravis de proposer leurs services à l'agence. Ils présentent deux gros avantages: permettre une montée en charge rapide des effectifs à la demande et laisser la porte ouverte au déni plausible cher à l'agence. Dans le cas où une opération échoue, il est en effet beaucoup plus difficile de prouver qui l'a commanditée. Le témoignage qui suit complète le tableau des mœurs ordinaires de la CIA dans les années 1990. Son auteur est un des plus remarquables vétérans de l'agence. Robert Baer n'est pas un rond de cuir. Cet officier de terrain polyglotte et tout-terrain a connu tous les points chauds du Moyen-Orient et d'Asie centrale. Il s'est senti, dans les années 1990, de plus en plus étranger à une agence qui multipliait les procédures administratives et oubliait d'envoyer des hommes au contact du feu. Accusé par une absurde enquête interne de complot contre la vie de Saddam Hussein, sous Clinton, l'agence n'a plus le droit de commettre d'assassinat sans autorisation expresse du président, écœuré par ses découvertes sur les liens entre la monarchie saoudienne et Washington, et voyant son expertise ignorée par ses supérieurs, il a quitté l'agence en 1997. Ses souvenirs, dont est tiré l'extrait qui suit, sont édifiants.